For more information about protecting yourself from COVID-19, listen to KFAI Monday through Friday at 1 p.m. for the Minnesota Native News COVID-19 Daily Update. Fresh Air Community Radio is KFAI 90.3 FM HD, Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Freddy, bonsoir Adrien. Bonsoir Romain. Bonsoir Adrien. It's a pleasure to have you on KFAI. Bonjour Minnesota. Yeah. Thanks for tuning in. Yeah. Freddy just woke up. So we were pre-recording the show. This is Sunday morning. Early. That's why we still don't have the results of the Champions League. Otherwise, exactly. Freddie would have a lot more energy, hopefully. It's probably for the best to do it before. That game is true. Yeah, especially, I think, for the Champions League, if Paris win, I would be like super electrified. And if Paris won, I probably would be super down. I'm like, totally like mopping. So. Yeah. What time is the game today? It's 2 p.m. Central. Okay. So 9 p.m. in France. Yeah. So once you listen to this show, you will know the results of the Champions League on Tuesday. Exactly. So the Champions League is it's a competition of soccer that occurs each year, and it's the football club teams that are competing against each other, like the best ones. And this year we had the chance to have two French clubs in the semifinals, which has not happened for quite some time. It's been years, probably 7 years, that since the Qatar bought out Paris, that they tried to get to the Champions League. But so far, the farthest they've been able to go has been quarterfinals. So this year they made the semifinals and even the finals. Nice. So how many times is it the first time they get in the finals for the European Champions League? Paris, yeah. Oh, okay, great. So Freddy, hopefully it's not going to jinx it, but it's good to sing in the morning. Can you sing the chorus of the PSG anthem? I can't right now. It's too early and I don't... Allez, Paris Saint-Germain. I don't want to scare anybody, you know. We want to keep the few listeners we have. Yes. So that's one of the big news. The other big thing that we're going to have during the show is the fact that we're going to have an interview with Notre École. French Immersion and STEAM School that's actually opening up in a couple of weeks now. Yes. In Golden Valley. And we actually, the interview is, we did it on a couple of days ago with Michelle Chalmot and Vanessa Hendrickson, who are the two school co-coordinators and teachers. They also teach the school. So we have an 18-minute long interview. Mm-hmm. Yeah. It will be aired in a few minutes. Yes. And we'll talk about what this school is and the fact that they're just starting and COVID and all the topics that we can imagine. Mm-hmm. I think it's very commendable there, what they've done, because first is a charter school, so it's public. And nowadays, it's really hard to open those kind of schools. Mm-hmm. So I think it just adds to the variety, to the diversity of French schools in the Twin Cities. We're very spoiled. We're very lucky. We have a lot of schools around in the metro area. But that's going to be a great addition. And they're just lovely, the two of them. So and it's soon la rentrée. Ah, yeah. C'est la rentrée bientôt, oui. Now, during the interview and in the middle, we're going to listen to three songs that are going to be scattered. The first song is going to be from Les Ut, called Aujourd'hui, c'est la rentrée. Today is the first day of school. Then, after that, it's going to be France Gall with Sacré Charlemagne. Then more interview and another one from France Gall called Le temps de la rentrée, when it's the time to go back to school. J'ai bien rangé ma chambre, préparé mes habits, bien plié au bout de mon lit. J'ai réglé mon réveil, j'avais pas trop sommeil, je me suis couché tôt, bonne nuit. J'ai même pas peur. Aujourd'hui c'est la rentrée. Mais faut quand même arriver à l'heure. Aujourd'hui c'est la rentrée. Je tiens fort la main de maman. Aujourd'hui c'est la rentrée. Et j'avance à pas de géant. Aujourd'hui c'est la rentrée. J'ai un cartable tout nouveau. Pleine de stylos. Aujourd'hui c'est la rentrée. Devant la grille de l'école. Aujourd'hui c'est la rentrée. J'ai un peu le cœur qui s'affole. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui c'est la rentrée. Est-ce que la maîtresse sera gentille? Y aura-t-il des frites à la cantine? La récréation dure-t-elle longtemps? J'étais grand chez les petits, maintenant je suis petit chez les grands. Dans la cour, je connais personne. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Cloche qui sonne. Aujourd'hui c'est la rentrée. Je fais un bisou à mes parents. Aujourd'hui c'est la rentrée. On nous dit de nous mettre en rang. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui c'est la rentrée. Est-ce que la maîtresse est un monsieur? Y aura des jeux. Est-ce qu'on nous donnera plein de devoirs qui nous empêchent de voir la télé et de jouer le soir? Je suis assis à côté de Manon. Aujourd'hui c'est la rentrée. La maîtresse nous écrit son nom. Madame Pinson. Aujourd'hui c'est la rentrée. Avec un S. Yeah. Aujourd'hui c'est la rentrée. C'est parti pour toute une année. Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui c'est la rentrée. Sortez vos cahiers. Et en silence, écrivez votre prénom et votre nom dans la marge. Ma chemise est tachée et mon beau pantalon troué. J'ai des nouveaux copains, plein de choses à raconter. Aujourd'hui c'était la rentrée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous avons Romain et Adrien en tant que hosts et nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Michel Chalmot et Vanessa Hendricks. Est-ce que je... Hendrickson. Oh, that's the issue. See, I just see Hendricks on the, hey, that's on the screen. Jimmy's little sister. Yeah. you should Hendrickson. See her play the guitar with her teeth. Yes. Okay. I'm very, very good at that. Nice. So you guys are both from Notre École. Mm-hmm. Yeah. And all right. We have you tonight to talk a little bit more about what it is, because it's a new school, and what type of school it is, and what you teach, and the methodology, and all of that. So I'll give you the floor. Okay, well, so Notre École is a French immersion school, STEAM school, I should add. Mm-hmm. So French immersion means that we are teaching in French to the children, and STEAM. So STEAM is a science, technology, engineering, art, and math. Okay. So we are focused on STEAM. Why STEAM? Because, well, STEAM is developing in the students. Sorry, my English is really bad. That's okay. So STEAM, science, technology, engineering, art, and math. So Notre École is focused on STEAM. Why STEAM? Because STEAM is developing critical thinking in a child mind. For example, we are working, when you are working on a project mm-hmm. with them, they are going to build their many skills to reach the answer. Well, when you start a project, you have a question and you need to answer this question. Okay. If you are like in a, sometime in regular school, the teacher are just like giving the answer to the children. You have a question, this is the answer. Mm-hmm. In a STEAM project, you have the question and the children are going to try to find the answer by themselves. The teacher is going to be there to guide them, okay. to help them. They are going to do some experience. Maybe it's going to work, maybe it's not going to work, but like that, they are going to reach what they are looking for. Okay, so it's very hands-on. Yeah, and the process in their brain, it's developing so critical thinking, creativity, problem solving, nice. And also, when they are working in projects, they are not alone. They are with other students. So right. it means they are developing cooperation with the others. So they are developing also social skills. Yeah, social, and, team building. Mm-hmm. And we are French immersion school. So at the same time, they are building skills in the French language. Right. And... But the French immersion is kind of progressive for the first year, right? So the first year they get to the program, I mean, French is spoken all the time, but if they speak back in English or if they need help with the translation, I mean, you don't throw the baby in the water right away. Well, you know, I work in a French immersion school and it's really amazing to see how it's working because we are going to speak to them in French all day. I mean, there is no translation, but it's really easy for them to understand because we are going to use our body language. For example, if I'm showing you that, you know what is it. If I'm mimicking like drinking. Yeah, like putting your thumb by your mouth. It's something, I mean, if I'm adding the word in French like boire, okay, mm-hmm. maybe the children are not going to know the word first. They are going to be like, what's that? But if I'm mimicking at the same time, they mm-hmm. are going to be like, oh yeah, boire. And it's amazing, like after like 3 weeks, they are able to understand the routine in the class because we also have routine. Nice. It's really nice for them to be able every morning to have the same kind of routine because we are repeating the same word and they learn like that. Okay. Yeah. It's really amazing to see how they are doing. And younger they are and better is it. You're like sponges. Yeah, right. Totally. Well, it's different when you are adults. The process is definitely not the same. I read an article about the fact that it's a different part of the brain that is working when you're a kid, when you learn a language when you're a kid versus when you're an adult, it's two different parts of the brain that that works differently. Yeah. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne, de nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, 4 et 4 font 8. Leçon de français, de mathématiques, Que de travail, travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Au lieu de nous ennuyer avec la géographie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Il n'avait qu'à s'occuper de batailles et de chasse. Nous ne serions pas obligés d'aller chaque jour en classe. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Il faut apprendre à compter et faire des tas de dictées. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Participe passé, participe passé. 4 et 4 font 8. 4 et 4 font 8. Leçon de français. Leçon de français. De mathématiques. De mathématiques. Que de travail. Travail. Sacré, sacré, sacré, sacré, sacré Charlemagne. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que les jeudis. Car sans lui dans notre vie, il n'y aurait que des jeudis. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne. Oh. So your school is opening in September, and you're starting in kindergarten, right? Yes. Okay, kindergarten and first grade. Okay, kindergarten and first grade. And right now, because it's your first year, that's going to be your first classes. Right. Right, okay. The reason that we're just starting with kindergarten and first grade is because once you get to the higher levels, the information that the students are learning are at a higher level, and the concepts and the skills are also at a higher level. And to throw a child into a classroom where they're learning difficult concepts but do not grasp the language or have any idea of the French language, it would be very difficult for them and meeting the standards of educational standards. So it's very important that they start young so they have an understanding of the language. So then they get to the higher grade levels, they understand what's going on in class. Yeah, the abstract concept are easier to grasp because they don't have to worry about the language. So where are you guys located? We are located in Golden Valley. Okay. So yeah. West of the Twin Cities. Mm-hmm. And we are a public school, so it means that everyone can come to notre école. You don't need to be to live in Golden Valley to come to notre école. Okay, that's very nice. Is it a public school or a charter school? It is it's both. A charter school is still a public school. Right. So we are charter and public. Yes. Okay. Nice. Yeah, because, I mean, by being a charter school, you also have a certain independence. Correct. You don't have to necessarily follow not only the curriculum, but also some of the things from the Golden Valley School District, which I don't remember what it is, but It's actually Robbinsdale. Is it? Mm-hmm. Yes. What's nice as an immersion school being a charter school is that just that we have the independence to be able to select curriculum that comes from France or French-speaking Canada. And we do not need to necessarily translate English texts, which many schools or immersion schools do because they have district curriculum that they translate. Okay. So that's one advantage that we have being a charter school. Yeah. Nice. And it's a nice advantage because, as Michelle said, we don't need to translate English text in French. It means that we are going to bring the French culture to the children because we are going to give them book, like mm-hmm. real French book from the French culture. Like. Right. So, yeah, you don't have to follow the curriculum, therefore no translation and more freedom into the material you can choose. That is very nice. I really like it. Do you guys have some questions, Romain, Adrien? Yeah. Can you tell us a little bit more about your background, about opening the school in the context of COVID? And as well, you were talking, Vanessa, about the routine early on. So I'm just curious if you could share with us what you envision it will be for your students to be part of your school. Okay. Well, I'm starting with my background. So I'm French, as you can hear. I'm from France, and I was teacher for like 10 years in France, and I moved to the Twin City in 2017. I work in a French immersion school for 3 years. And I get married and I decided to stay in the Twin City. When I was at university, I studied math and physics. That's probably why I'm so attracted to the STEAM, because it reminds me something I really like. And, mm-hmm. you know, as a teacher, I can tell you it's really nice when you have to teach to the children something you really enjoy, because you want to share with them. It's not like difficult to do it. You do it because you like it. So right. it's really nice. It helps. It helps. Yeah, definitely. <For sure>. And so how do you envision, so based on the COVID and based on the fact that there's a lot of school districts these days that, you know, I'm making decisions whether they will go completely distance learning or hybrid model and or in person. It seems like a lot of the school districts are picking distance learning. So what is the choice of the school, and how do you see it working? Well, we are going to be in person. Okay. And of course, to be in person, we are going to follow the CDC and the health department's recommendation. Mm-hmm. We already work with Michelle about how it's going to be. So, for example, every morning the pickup will be staggered. So children are not going to arrive at the same time to avoid like all of them together at the same time. Mm-hmm. We are going to do screening. We are going to do a curbside pickup, like the parents are going to drop off the children and pick them up, and we are going to take care of them. Of course, we are going to do extra cleaning with them, with the children in the school. We are going also to teach our students, even if they know about COVID since a while now, and they probably know the barrier gesture, but mm-hmm. we are going to reinforce that with them starting the first day of school. We started setting up the classroom with Michelle, and the desk for the student, for example, are going to be 6 feet apart. So okay, we are really careful with the CDC recommendation. Okay, well, that's very nice to know. So I just add that children do need to wear face masks, mm-hmm. and staff will be wearing face shields. So we are following recommendation as well there. Okay. So face mask for the kids and face shield for the mm-hmm. teachers? Teachers. Mm-hmm. Okay. Moi, j'aimerais longtemps que revient le temps de la rentrée. C'est la vie, nous avait séparés, je vais te retrouver. Moi j'aimerais toujours, amenant mon amour. s'est envolée dans le grand ciel d'été. Je me pensais sur les rochers, les plages ensoleillées. Qu'à toi à la rentrée. Toi, tu étais parti aux îles Canaries, moi près de Saint-Tropez. Ces vacances perdues qui n'en finissaient plus sont enfin terminées. Je comptais sur mes doigts les heures qui me restaient me séparant de toi. Jour de pluie et Dieu sait s'il a plu au paradis perdu. Dans un baiser je te redis, chérie, il n'y a pas de vacances sans toi. Déjà le vent d'automne, les feuilles qui frissonnent me rapprochent de toi. Et quand viendra l'hiver, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi j'ai chaud dans tes bras. Si l'on se moque de moi, si les gens m'aiment pas, lorsque finit l'été, j'aimerais toujours, amenant mon amour, le temps de la rentrée. Le temps de la rentrée. Le temps de la rentrée. Michel, as a founder of the school, can you tell us a little more what's going to be unique about Notre École? Well, we are the first school that I'm aware of in the Twin Cities area that is doing both French immersion and a STEAM program together. You can find STEAM programs or French immersion programs separately, but we have both. So that's very unique. We are also doing Osoji, which comes from a Japanese term actually. But if you have been in a Montessori school, it's very similar to the cleaning methods and taking care of your environment and having respect for one another. So the kids will learn how to take care of their environment, learn how to clean their areas, take care of their materials, and have respect for one another as well as themselves. So that's a very important aspect of our school. We also are going to have play breaks, which we feel are very important. A lot of schools are starting to, reduce recess time or break time that kids have. We feel that that's very important for kids to be able to move. And about every hour of time that they're spent in the classroom, they get about 15 minutes or so of a play break time so they can move and exercise, move around a little bit, which helps them focus better when they get back to the classroom. So those are all important aspects that Notre École has that are different or maybe unique to us. And you're also the first charter school too. French charter school. I know the German immersion is also a charter school, but as French is concerned, I think in the Twin Cities, there's mostly public schools. Right. And therefore, they have to follow the curriculum of the other schools or private school, which in this case, they have to follow whatever they want. But you can kind of be in between. So that's nice, especially because you don't have to pay for charter school. Exactly. It's great. Mm-hmm. Yeah, that sounds exciting, Michelle. When is the la rentrée then? So, staff is going to start August 24th, so on Monday, and the students by September 8th. Okay. Even though there has been a lot of work done in the past few months. Oh, yes, a lot. I bet. But, and being the first year, I mean, there's automatically more work in terms of organization and things like that. I'm assuming that the COVID has not been helping either. I mean, it's probably brought on like more. That is something that's added to the plate for sure. But, you know, all schools, no matter if they're private, public, charter, we all have to deal with it right now. Mm-hmm. So it's something that is important. And we're trying our best to make sure that the students and staff are safe and try to provide a 5-day-a-week instruction for the students. Okay. Well, it sounds like Vanessa and yourself are up for the challenge. So, yep, that's great. Yes. We took a lot of vitamin and we are ready. Excellent. You can integrate that maybe in the curriculum at some point too. Excellent. But you don't need to be a French speaker to send your kid to your school, right? So tell me more about that aspect. So we have a wide variety of families that are attending or enrolled at Notre École. We have families that have zero background in French, maybe even zero background in a second language. We have families from Francophone countries that have spoke French at home or do speak French at home. Maybe one parent maybe speaks French, but the other one does not. We have families that speak maybe another language as well at home, maybe Spanish or a Polish or another language at home, but they want their child to learn even a third language. So we have families like that as well at Notre École. So we are very diverse. We're a very diverse school. Mm-hmm. Nice. So therefore, there's no requirement for the kids, as long as they start in kindergarten or first grade, to have any mm-hmm. French background, right? Mm-hmm. Just bring the croissant to the teachers and that should be enough, right? In order to be transparent, we just want to say that Romain has been involved with the school for about a couple of years. Which, by the way, was fascinating to see, you know, how to build a school from the ground up. And I must say that a lot of work, and it's very rewarding to see that the school is actually opening and it's actually looking, you know, pretty good. Yeah. Well, I'm sure when you started to get involved, there were still some questions about whether or not the project could get off the ground. I mean, financially, with all the paperwork. Everything, yeah. Everything, the concept. So, and especially Michelle and her husband Jérôme did not count their, you know, hours and all the hard work that they put into it. So, yay. Good. So how can people learn more about Notre École? Do you have a website, a phone number that we can communicate? Sure. So we're located at the Oak Grove Church, and that's in Golden Valley. The address is actually 5920 Golden Valley Road. And our phone number, the school phone number, is 952-228-1097. You can contact us also through email, and that is at info@notreecole.org. I'll spell that for you. info@notreecole.org. So those are some ways that you can contact us. We also have a Facebook page as well. Good, good. Well, thank you for coming. And we'll stay in touch. Thank you. You're very welcome. And thank we'll you. Stay in touch. And on Facebook, we'll provide also the information we just talked about, like the email and the phone number. Bonsoir, and merci beaucoup for joining us tonight. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. It was Les Suds with Aujourd'hui c'est la rentrée, and we had two more songs from France Gall with Sacré Charlemagne and Le Temps de la Rentrée. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. The last topic of the day is going to be the fact that August 25th, 1944, Paris was liberated from the Nazis. And 76 years. We're going to celebrate that by playing some songs, and for which most of the themes are going to be Paris. Yes. Yeah. It's a Paris and again, a French language rendezvous here on KFAI Bonjour Minnesota. And yeah, that's really exciting. It reminds us of a lot of 76 years, Romain, you were saying. So All right. Well put. Also, you know, what's interesting is, Paris was liberated on the 25th. But throughout France, well, especially the northern part, the various cities were liberated at different times, you know, because, mm-hmm. the troops were moving. Right. And where I'm from, in Orléans, there's always a big celebration on August 16th with sometimes, there are reenactments with jeeps from that time and, you know, people dressed up as GIs, as military from the time. So That's excellent. I saw some pictures from your sister, Roma, mm-hmm. and that looked really wow. Yeah, historically, they do that every year. It's amazing. I don't remember which one. I think it was probably the 50th anniversary. I may have mentioned that for listeners who listened to that show like maybe a year or two ago. But with my mom, we participated to the reenactment. And we were biking from Port d'Orléans. Oh, yeah. Yeah, I remember that. Which is that. In the south. And we biked all the way. I mean, of course, there were some vehicles of the time and things like that. And we use l'Avenue du Général Leclerc in the 14th arrondissement and bike up to the Hôtel de Ville, where... The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. Depressed Birds, Barbershop Quartet Bridges, Jump, Jive, and Swing Sets, KFAI. Ooh, I'm sorry. That last category was things that need support from people that listen to them. Then why did you say KFAI? Don't be this person. KFAI is listener supported. So go to KFAI.org and donate to support Fresh Air Community Radio. Now we're going to listen to Mireille Mathieu with Paris en Colère. It's from 1966, and it's a song that also is in the movie called Is Paris Burning? Paris brûle-t-il? Then we're going to just listen to a sample of Is Paris Burning, where it's the end of the movie and we can hear the bells of Notre Dame, and then we can hear the voice of the person who interprets Adolf Hitler and asking, is Paris burning, in German, because he wanted the destruction of Paris. Then after that, you'll hear in the background the song La Marseillaise. Then after that, you'll hear for real La Marseillaise. It's an instrumental version, fairly short. Then we're going to listen to the speech from the General de Gaulle, the one that he gave at the Hôtel de Ville about Paris libéré. And it was given on August 25th, 1944. Then it's going to be Le Chant des Partisans, and it's a version from 1943 from Les Chœurs et Musique du 46e RI, the chorus and music of the 46th Regiment of Infantry. On veut être libre à n'importe quel prix. On veut vivre, vivre, vivre, vivre libre à Paris. Attention, ça va toujours loin quand Paris se met en colère. Quand Paris sonne le tocsin, ça s'entend au bout de la terre. Et le tremble quand Paris est en danger. Et le monde chante quand Paris s'est libéré. C'est la fête à la liberté et Paris n'est plus en colère. Et Paris peut aller danser, il a retrouvé la lumière après la tempête. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. It was Mireille Mathieu with Paris en colère, His Spirit is Burning, that was the bells of Notre-Dame, La Marseillaise, a speech from the General de Gaulle about Paris libéré, and Le chant des partisans by Les chœurs et musique du 46e RI. Hello, bonjour. This is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Miss Tinguette with Gosse de Paris. Kids from Paris, but Gosse Gamma is both words are used and they are kind of slang, but Miss Tinguette had a very strong Parisian accent that we don't really hear anymore. Then we're going to listen to our great Josephine Baker, who was part of the resistance too, and she's going to sing the classic one J'ai deux amours, I have two love, My Country and Paris, and George Milton with C'est papa, c'est parisien. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme. Personne ne m'a demandé d'où je viens et où je vais, vous qui le savez. Effacez mon passage. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. Et j'ai la France entière. Hier encore nous étions 3, il ne reste plus que moi, et je tourne en rond dans la prison des frontières. Un vieil homme dans un grenier pour la nuit nous a cachés, l'ennemi il a su. Il est mort sans surprise. Le vent souffle sur les tombes, la liberté reviendra, on nous oubliera, nous rentrerons dans l'ombre. L'avait gardé dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir, le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général, car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrait devant une orange. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qui lui disait « Mon petit ». Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches. On le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace à leur façon filent à balle. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui danse, s'il faut peut aussi comme Gavroche entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, je te jure que la veille j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. It was Anna Marley with La Complainte du Partisan, then Maurice Chevalier with Fleur de Paris, and Mick Michel with Un Gamin de Paris. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, St. Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. It's May 1978. You've got today's Minneapolis Morning Tribune. You read about big sales at the 4 downtown department stores. You see ads for 3 brands of cigarettes. flipped through 16 pages of classified ads listing cars for sale and apartments for rent. You also read about the Twin Cities' newest radio station, KFAI. Today, there are no more department stores downtown. Cigarette ads are gone, and the classifieds have all but disappeared. But KFAI is still on the air. Our volunteers still produce the most eclectic radio you're going to find. We're still KFAI, community radio, radio without boundaries. KFAI is seeking new voices to help fulfill our mission of providing news and information to Minnesota's diverse communities. Paid translation opportunities are available for those who can speak and translate Spanish, Hmong, Somali, Amharic, Oromo, Tigrinya, and other languages you hear on the station. Send an email to hello@kfai.org or call the station during weekday business hours at 612-341-3144, extension 22. Get involved and help KFAI better reach our neighbors in the Twin Cities. Now we're going to listen to Hervé with Adanda, then La Bronzée, or the Tan, with Roi de Nous, the King of Us, and Magenta, or Magenta, with Long Feu, or Long Fire, but it's more of an expression saying that something, if we say something is not going to be a long fire, or quelque chose ne va pas faire long feu, it means that it's not going to last. And he's talking about his couple. Maintenant partout j'entends des boniments avec plus ou moins d'accent. Si l'anglais me dit I love you, je réponds mon petit vois-tu chez nous on dit je suis chippé pour vous. À l'espagnol amoureux qui me dit yo t'aime yo te veux, je réponds t'as du retard mon vieux. Et quand un allemand me dit Auf Fräulein wollen Sie, afin de couper court, je réplique à tous ces discours, je suis né dans le faubourg Saint-Denis, et je suis restée une vraie gosse de Paris. Vos promesses et tous vos serments, je n'y crois pas car c'est du boniment. Mon air voyeur, mes yeux moqueurs de midinette, sont pleins de bonheur et je garde mon cœur car je vous le répète, je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Un jour un riche brésilien me dit vraiment vous avez du chien et si vous le voulez bien vous allez pendant un mois dans le grave Zeppelin avec moi faire un voyage plein des mois parcourant le monde entier partout je veux vous acheter tout ce que vous voudrez porter des robes de Santiago des châles de Bilbao. Mais sans lui laisser le temps, j'ai répondu tout simplement, je suis née dans le faubourg Saint-Denis, et je suis restée une vraie gosse de Paris. Les toilettes, pour moi voyez-vous, y'a qu'à Paris qu'on en trouve à son goût. Un bout de satin mis dans les mains d'une Parisienne, par un petit rien, bientôt devient le manteau d'une reine. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis. Faut pas me la faire, je suis une gosse de Paris. Et c'est pareil tous les jours quand les hommes me font des discours et viennent me parler d'amour. L'un me propose un château, un autre m'offre une hispano. Celui-là, c'est des joyaux. Je me pose cette question, si j'écoute leurs propositions, j'aurai déjà des millions. Mais pas un ne me dit, je serai votre mari. Aussi sans perte de temps, je leur réponds bien gentiment. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Quand l'amour amène le désir, mon cœur se donne mais c'est pour le plaisir. J'aime bien mieux un amoureux simple et honnête qui vient m'offrir pour me faire plaisir quelques violettes. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis. Ça ne se vend pas les petites gosses de Paris. battant les bras et le cœur battant des mois. À mi-voix, doucement je dis, emporte-moi. Tes deux amis, ton pays est Paris. Paris vraiment est épatant. On se fiche de tout, on ne prend rien au sérieux. C'est peut-être pour ça, mon Dieu, qu'on est heureux. Se lever joyeux, c'est papa, c'est parisien. Chanter quand il pleut, c'est papa, c'est parisien. Dire toujours tant mieux, c'est papa, c'est parisien. Prendre le temps comme il vient, c'est papa, c'est parisien. N'importe où le Parigo n'est jamais surpris, car il possède l'esprit de répartie. Et il sait pour river leurs clous au ballot, trouver le mot rigolo, le mot qu'il faut. Pardon, et où dit, c'est papa, c'est parisien, crème de confetti, c'est papa, c'est parisien, vache et Versigny, c'est papa, c'est parisien, crème de piaf et proparien, c'est papa, c'est parisien. Tout le monde peut s'acheter chez Cartier, chez Patou, des robes et des bijoux à des prix fous. Mais un petit trottin peut s'habiller chez nous, parce qu'il a du goût avec quatre sous. S'habiller d'un rien, c'est papa, c'est parisien. Un bibi sur le coin, c'est papa, c'est parisien. Un petit sac à main, c'est papa, c'est parisien. Un pépin, un petit béguin, c'est papa, c'est parisien. Mais parfois le Parigo met tout son bonheur à devenir frondeur et rouspéteur. Il se plaint du percepteur et tous les impôts, du prix des haricots et du gigot. Renouder surtout, c'est papa, c'est parisien. Passer hors des clous, c'est papa, c'est parisien. Dire l'agent, je m'en fous, c'est papa, c'est parisien. Une contredanse qu'on paye bien, c'est papa, c'est parisien. It was Mustang Guest with Gosse de Paris, Josephine Baker with J'ai deux amours, and George Milton with C'est papa, c'est parisien. Now we're going to listen to another song from Mustang Guest, and it's called Ça c'est Paris. That is Paris. Then two songs from Yves Montand. The first one is À Paris, in Paris, and the second one is Grand Boulevard. The Grand Boulevard, or the big boulevard that are like inside Paris, and they used to be the old Louis-Philippe wall, fortress wall, and they made big boulevard, and that was, I mean, they still exist, and there's a lot of animation and restaurants and movies, movie theaters and things like that. Les grands magasins like Galerie Lafayette are, for example, in the Grand Boulevard. Paris, splendide. Elle est même attrait que les autres women. Elle possède à ravir la manière s'en servir. Elle a perfectionné la façon de donner. Ça, c'est Paris. Ça, c'est Paris. Paris, c'est une blonde qui plaît à tout le monde. Le nez retroussé, l'air moqueur, les yeux toujours riants. Tous ceux qui la connaissent, grisés par ses caresses, s'en vont et reviennent toujours. Paris, à ton amour, ça c'est Paris. Un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui s'ouvrit, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement. Oui, encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs. La regarde dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier. Oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris, là l'ennui. Juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Planet. promener sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à zigzaguer parmi la foule. J'aime les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards. Qui vous débite leur bobard? Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je peux pas me payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi moi j'ai mes petites manies qui me font plaisir et ne coûtent rien. Ainsi dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, des jours de colère qui font sortir le populaire. Là vibre le cœur de Paris, toujours ardent, parfois frondeur, avec ses chants, ses cris. Et de jolis moments d'histoire sont inscrits partout le long de nos grands boulevards. Flâner sur les grands boulevards, l'espoir d'été quand tout le monde aime bien se coucher tard. On a des chances d'apercevoir deux yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. Puis je retrouve mon petit hôtel, ma chambre ou ma fenêtre donne sur un coin du ciel, d'où me parvient comme un appel toutes les rumeurs, toutes les lueurs du monde enchanteur des grands boulevards. It was Miss Tinguette with Ça c'est Paris, Yves Montand with À Paris, and with Grand Boulevard. Here are the events. So on Thursday 27 from 6 to 7 p.m., there's the Intermediate Conversation Sample class at the Alliance Française. Because it's a sample, as far as I can tell, there is no cost. Feel free to check at afmsp.org for more details. Then, starting on Friday, August 28th, House of Cardin virtual screening is presented by the MSP Film Society. So it starts on the 28th, but it goes up to September 3rd. So it's a movie, and you can get tickets at mspfilms.org. And it's about Pierre Cardin. On Friday the 28th, from 8 p.m. to 10 p.m., there's the Drive-In Cine Club, and the name of the movie is going to be In Bed with Victoria. It's a movie from 2016, and it's a French romantic comedy drama film and directed by Justine Trier. And there's going to be subtitles. If you want more detail or watch the trailers, you can go to afmsp.org. Then on Saturday the 29th, August 29th, at 9:30 to 10:30, there's a Pause Café online. It's a French conversation, and there is a fee, and the fee is different if you're a member or not a member, but it's a class led by an Alliance Française instructor. And they would prefer if you could register by Thursday noon on the same week. There's still a lot of French movies, both at parkwaytheatre.com or the riverviewtheatre.com and mspfilm.org. So feel free to check them out. There's a lot of choices and it supports the community. Et voilà, c'est tout pour l'instant. Back to the music. Now we're going to listen to another song from Miss Tinguette. And the name of the song is Je suis né dans le Faubourg Saint-Denis. I was born in the Faubourg Saint-Denis. Faubourg is the extension of a street past the wall of Louis Philippe I was talking about and les Grands Boulevards on the outside of it. Then we're going to listen to Charles Trenet avec La Romance de Paris, Paris Romance. And then we're going to listen to Juliette Gréco with Paris Canaille. And I don't know how to translate canaille. It's kind of like someone who's witty and, you know, you can't really trust because they're going to do something, not necessarily something bad, but

mettre au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Et la romance de Paris, au coin des rues et le fleuri, ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Paris Marlou, aux yeux de fille, ton air filou, tes vieilles guenilles et tes galantes, accordéon, ça fait pas de rente, mais c'est si bon, t'es gigolo. T'es déshabillé sous le métro de la Bastille pour se saouler à tes jupons, ça fait gueuler, mais c'est si bon. Brin des lilas, fleurs de pantin, ça fait des tas de petits tapins qui font merveille en toute saison, ça fait de l'oseille et c'est si bon. Des Delacroix, des verres d'Anvers, ça fait des mois qui sont au vert, alors ces dames seront une raison à ce qu'on vigame et c'est si bon. Paris bandit, aux mains qui glissent, t'as pas d'amis dans la police, dans ton corsage, jeu de néon, tu n'es pas sage, mais c'est si bon. Hold-up savant pour la chronique, traction avant pour la tactique, un petit coup sec dans le diapason, range tes copains, sinon t'es bon. Allez à la une, allez à la deux, file-moi trois thunes, je te verrai mieux. La toute dernière des éditions, t'es en galère, mais c'est si bon. Allez à la der, allez à la rien, t'es un gangster à la mi-pain, faut être adroit pour faire carton, la prochaine fois, tu seras peut-être bon. Paris, j'ai bu, à la voix grise, le long des rues, tu vocalises. Y'a pas d'espoir dans tes haillons, seulement le trottoir, mais c'est si bon. Tes vagabonds te font des scènes, mais sous tes ponts coule la Seine. Pour la romance à illusion, oh, y a de l'affluence, mais c'est si bon. Mômes égarés dans les faubourgs, prairies pavées où pousse l'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort, mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, va la rue comme un bateau, ça tangue un peu dans l'entrepôt, c'est laborieux, mais c'est si bon. Paris, flonflon, talamant fait et des millions pour tes poètes, quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon. It was Miss Tinguette with Je suis né dans le Faubourg Saint-Denis, Charles Trenet with La romance de Paris, and Juliette Gréco with Paris Canaille. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now we're going to listen to Terry Vosbein with Dans le Vieux Montmartre, in the Old Montmartre. Then Nicolas Gaudin from the band Air, who did the soundtrack of Au Service de la France, which is a TV series airing on Netflix in the US. and the name of the song is Les Rues de Paris, Paris Streets. Then we're going to listen to Renaud avec Amoureux de Paname. Paname is the name in slang or argot of Paris, and he's in love with Paname. Thank you. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes des boulevards. Vos beaux discours, il y en a plein le dos, il y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Il y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas à l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage. Le bitume c'est mon paysage. It was Terry Rosbine with Dans le vieux Montmartre, then Nicolas Gaudin with Les rues de Paris, and Renaud avec Amoureux de Paname. Now we're going to listen to another one from Renaud, and it's called Écoutez-moi les Gavroches. Listen to me, the Gavroche, and Gavroche is the little kid in Les Misérables, the book from Victor Hugo. And then we're going to listen to Paris Paris, which is the name of the band, and the name of the song is Loin de Paname, Far from Paris. And we're going to listen to Michel Arnaud avec L'île Saint-Louis, or the Saint-Louis Island, which is next to L'île de la Cité, where Notre-Dame is. It's mostly residential. And in this song, L'île Saint-Louis is tired of being next to L'île de la Cité, so the island is taken off. Qui vivent sur le bitume, qui n'ont jamais vu le gazon, qui ne connaissent que la brume, qui n'ont qu'un ciel gris pour plafond. Écoutez-moi les Gavroches, écoutez-moi les Gavroches. Vous les enfants de la ville. Paris n'est pas si moche. Ne pensez plus à l'an 2000. Ouvrez vos yeux pleins d'innocence sur un Paris qui vit encore et qui fera de votre enfance le plus merveilleux des décors. Voyez plus loin que l'horizon. temps n'a pas tout démoli. Les rues sont pleines de chansons, les murs ne sont pas toujours gris. Écoutez-moi les gavroches. Écoutez-moi les gavroches. Vous les enfants de la ville. Non, Paris n'est pas si moche. Ne pensez plus à l'an 2000. Traînez vos vies dans les ruelles, dans les vieux bistrots, dans les cours et sur les pavés éternels qui n'ont pas quitté les faubourgs. Allez respirer sur la butte tous les parfums de la commune. Souvenir de Paris qui lutte et qui pleure parfois sous la lune. Écoutez-moi. Allez, écoutez-moi les gavroches. Vous les enfants de ma ville. Non, Paris n'est vraiment pas si moche. Paris n'est pas si moche. Ne pensez plus à l'an 2000. Moi, dès que je suis loin de Paname, j'ai les poumons tout essoufflés. J'ai le cœur bouffé par plein de larmes et le corps comme tout exilé. Le plus loin que je sois allé, c'est la Marne. C'était pour suivre un petit béguin. Moi, dès qu'il n'y a plus de vacarme, je m'ennuie, silence ne me vaut rien. Paris, Paris, t'es ma seule famille. Paris, Paris, y'a que chez toi que mon cœur brille. Paris, si je te vois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbes chagrin. Paris, Paris, tout le temps tu m'entortilles. Paris, Paris, je rêve que tu me déshabilles. Paris, si je te vois pas dès demain, Paris, je vais mourir de microbes chagrin. Là où nous les petits mecs quand on passe nous boivent comme panachés urbains. Dans ma petite chambre officielle, j'attends qu'on vienne me dorloter. Dis Paris, c'est toujours toi que j'aime, mais qui va te remplacer. Paris, Paris. cité. Un soir a rompu ses amarres, elle avait soif de liberté. Avec ses joies, avec ses peines qui s'en allaient au fil de l'eau, on la vit descendre la Seine, elle se prenait pour un bateau. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Mais un jour arrive, en douce on s'esquive, on quitte la rive pour voir du pays. L'île Saint-Louis a de la peine, du pôle sud au pôle nord. L'océan ne vaut pas la Seine, le large ne vaut pas le port. Si l'on a trop de vagues à l'âme, mourir un peu n'est pas partir. Quand on est île à Notre-Dame, on prend le temps de réfléchir. Quand on est une île, on est bien tranquille au cœur de la ville. C'est ce que l'on dit. Pour les îles sages, pas de grands voyages, les livres d'images se font à Paris. It was Renaud with Écoutez-moi les Gavroches, Paris Paris with Loin de Paname, and Michel Arnaud with L'Île Saint-Louis. Now we're going to listen to two songs from Marc Lavoine. The first one is called Paris, or Paris, and it's featuring Souad Massi. The second one is Je reviens à toi, I'm coming back to you, and he's talking about the fact that he had been away from Paris and is coming back to Paris and talking about all the things that is has been missing. And then we're going to listen to Vanessa Paradis with La Seine, and it's part of the soundtrack Un monstre à Paris, a Monster in Paris, which is an animated movie. J'adore ta tour Eiffel, au moins elle est fille. quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin, ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tout nu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé. Dans tes bras, sur tes quais, y'a de la joie et des loups dans tes bois. Je me glisse dans tes ciné, je me perds dans ton quartier, je m'y retrouverai jamais. Je nage au fil de tes gars et mon regard s'égare. Je vois passer des cafards sur tes bars. Je m'accroche au réverbère, tes pigeons manquent pas d'air. Et moi, de quoi j'ai l'air? Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé, Paris, tu m'as laissé. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux, Paris, Paris, tout nu, Paris, Paris, perdu, Paris, tu m'as laissé. Sur ton pavé. Je bois dans tes cafés. Comme si ma vie est une année, que me naissent sans me, sans ma unie et barani. Je marche dans tes rues, qui me marche sur les pieds. Je bois dans tes cafés. Comme si ma vie est une année, que me naissent sans me, sans ma unie et barani. Pas, je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des Canettes. Je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois, de Villon, d'Apollinaire, trotte dans le froid. Au sortir de mes pensées, je repasse la Seine. Sur le pont des Argevins, je reviens à toi. Tous les jours je m'y revois, traversant ma peine comme le vent dans la plaine. La nuit sur les toits, un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette ville, je crois. Alors, 3, 4. It was Marc Lavoine with Paris featuring Swan Massy, then Je reviens à toi, and Vanessa Paradis with La Seine. Well, this is it. That's it for tonight. Thank you for listening to Bonjour Minnesota on KFAI, and we'll be here with you next week. Thank you. With Merci. A new show. Yes, looking forward to next week. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne soirée et bonne semaine. Au revoir. Au revoir.